Je ne cache pas que moi aussi j'ai peur de la mort. Y a-t-il une vie après? Qui a raison? Qui a tort? La vie doit se vivre ainsi, nous devons rester forts. Quand je mourrai, ça ne sera pas sans raison ni sans remords. Je ne cache pas que moi aussi j'ai peur de la mort. Y a-t-il une vie après? Qui a raison? Qui a tort? La vie doit se vivre ainsi, nous devons rester forts. Quand je mourrai, ça ne sera pas sans raison ni sans remords. Quand je mourrai, je n'attendrai rien en échange. Enterrez-moi souriant et que rien ni personne ne change. Laissez la musique tourner, ne laissez pas les larmes couler. Le monde continuera à tourner, à se haïr ou à s'aimer. Dans ce siècle, je n'ai fait que séjourner, mais jamais je ne souhaiterai qu'arrive ma dernière journée. Ce n'est pas un testament, je n'ai rien à vous présenter. Je pensais qu'après ma mort, les présidents me représenteraient. Je veux seulement profiter de dire ce que je n'ai jamais osé, ce qui règne dans mon cœur mais qui n'a jamais été déposé. Car c'est toujours plus facile de garder ses sentiments plutôt que de les dévoiler, ce qui n'est pas toujours évident. Papa et maman, je vous aime, et mes frères et sœurs autant. Cyrielle, je voudrais qu'on se marie et que l'on ait des enfants. Quand je mourrai, vous pourrez laisser les rappeurs chanter. Après tout, comme on dit, que mon âme repose en paix. Peu importe la manière de vous saper, ouais. Que vous soyez en couleur ou pas, fini pour moi de rapper. Je veux pas attendre qu'il soit trop tard avant de m'exprimer. Les rimes ne me rendent pas déprimé mais me permettent d'avouer. Je veux simplement vous dire ce que j'ai sur le cœur à tous les gens que j'aime, car je les aime de tout mon cœur. Peu importe quand je partirai, car j'aurai enregistré. Alors quand je mourrai, je ne cesserai jamais d'exister, ouais. Je ne cache pas que moi aussi j'ai peur de la mort. Y a-t-il une vie après? Qui a raison? Qui a tort? La vie doit se vivre ainsi, nous devons rester forts. Quand je mourrai, ça ne sera pas sans raison ni sans remords. Je ne cache pas que moi aussi j'ai peur de la mort. Y a-t-il une vie après? Qui a raison? Qui a tort? La vie doit se vivre ainsi, nous devons rester forts. Quand je mourrai, ça ne sera pas sans raison ni sans remords. J'ai une vie remplie de bonheur et de péché, rêvant toujours de gagner l'honneur et le succès. Je fais des erreurs comme tu as pu le voir ma chérie, mais t'es ma destinée, tu peux croire ce que je dis. Moi je me souviendrai toujours lorsque tu m'as dit: Anthony, je t'aime, t'es l'homme de ma vie. Quand je mourrai, j'aimerais revoir ma vie défiler, mais si je pouvais la refaire, jamais je ne la changerais, c'est vrai. Maintenant je crois bien que j'ai tout dit. Je veux faire de ma vie une œuvre d'art et non pas une routine. Mes idées sur la mort ont toujours été floues, croyant qu'on revivrait une nouvelle fois comme si j'étais sous. Je dois être fou mais je veux vivre jusqu'à l'éternité, enfin tant que je pourrai dans la prospérité. Peu importe car j'aurai enregistré, alors avec mes musiques jamais je n'arrêterai d'exister, ouais. Je ne cache pas que moi aussi j'ai peur de la mort. Y a-t-il une vie après? Qui a raison? Qui a tort? La vie doit se vivre ainsi, nous devons rester forts. Quand je mourrai, ça ne sera pas sans raison ni sans remords. Je ne cache pas que moi aussi j'ai peur de la mort. Y a-t-il une vie après? Qui a raison? Qui a tort? La vie doit se vivre ainsi, nous devons rester forts. Quand je mourrai, ça ne sera pas sans raison ni sans remords.